Riz sur le vif. Écoutez. Jacques, tu penses aller à la cave avant de partir? Tu n'as pas choisi tes vins pour ce soir. Ah, c'est vrai. Rappelle-moi ton menu. Des truites à la crème, un filet de bœuf aux champignons. Alors, avec le poisson, j'ai du meursault, de l'Alsace ou de l'Arbois. Tu as une préférence? Ah oui, j'aime mieux le meursault. Et avec la viande? Pas de problème. Je veux la faire goûter mon Bordeaux. Répétez. Jacques, tu penses aller à la cave avant de partir? Tu n'as pas choisi tes vins pour ce soir. Ah, c'est vrai. Rappelle-moi ton menu. Des truites à la crème, un filet de bœuf aux champignons. Alors, avec le poisson, j'ai du meursault, de l'Alsace ou de l'Arbois. Tu as une préférence? Ah oui, j'aime mieux le meursault. Et avec la viande? Pas de problème, je veux la faire goûter mon Bordeaux. Écoutez. Madame, qu'est-ce que je vous prépare pour ce soir? Faites-nous un potage aux asperges, un gratin de chou-fleur. Non, il fait chaud. Je préfère le melon au potage. Répétez. Madame, qu'est-ce que je vous prépare pour ce soir? Faites-nous un potage aux asperges, un gratin de chou-fleur. Non, il fait chaud. Je préfère le melon au potage.